Vous l'avez demandé et nous avons écouté. Les prix employés Ford sont de retour. Vous payez ce qu'un employé de Ford Canada paie sur la plupart des nouveaux modèles Ford 2020, la marque automobile la plus vendue au pays. Faites l'expérience de technologies innovatrices et d'un style accrocheur sur les plus récents véhicules 2020 à un prix que vous voudrez partager à tous vos amis. C'est le temps des prix employés Ford. Visitez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Missassini, Saint-Félicien, Robertval et Chibougamau et profitez de ses offres exceptionnelles. Jean-Dumas Multi-concessionnaire. C'est le commentaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, la nouvelle de la semaine, évidemment, pour le Canadien, c'est Jake Allen. Jake Allen qui, écoute, moi, c'est pas que Jake Allen, c'est un bon choix. C'est pas que c'est le fait que c'est arrivé très tôt, hein? C'est arrivé très, très tôt. Oui. Écoute, la saison n'a pas commencé. Très rapidement, mais ouais. Écoutez, je pense que Marc Bergevin monte ses couleurs immédiatement. Il avait besoin de ce qu'on appelle un vrai bon second pour vraiment seconder Carey Price. Ça n'a pas été, depuis de quelques années, facile pour le Canadien, si on regarde un peu au niveau du deuxième gardien. Mais là, avec Jake Allen, je pense qu'on vient de couvrir une brèche que le Canadien avait. Et deux, c'était clair que lors de son point de presse, que c'était une des priorités dans le cas de Marc Bergevin d'aller chercher un deuxième gardien de but pour aider Carey Price. Eh bien, le Canadien a agi rapidement. Maintenant, ben, on passe à un autre dossier, puis si on a quelque chose à régler, ben, du côté du Canadien, ben, c'est maintenant fait du côté du deuxième gardien. Ah non, regarde, c'est surtout que de nos jours, plus ça va, plus la nouvelle Ligue nationale, c'est qu'on y va avec deux gardiens. Hein? Oh oui, écoute, on veut pas que les gardiens gardent deux matchs en 24 heures. On voit dans les séries de fin de saison, quand ça on y va avec deux matchs en 24 heures, c'est plutôt difficile pour la deuxième rencontre. Donc, si on regarde actuellement de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, ben, il faut admettre que c'était une priorité pour le Canadien d'aller chercher un deuxième gardien pour bien seconder Carey Price. Puis l'occasion s'est présentée dans le cas de Jake Allen, puis immédiatement, ben, Marc Bergevin a réagi, puis maintenant on verra quels sont les autres dossiers où Marc Bergevin. Puis deux, il y avait de la place sur la masse salariale du Canadien. Ça, c'est un autre point. C'est pas toutes les équipes qui ont une masse salariale ou qui leur permet. Et là, chez le Canadien de Montréal, eh bien, ça leur a permis vraiment de dire on passe à autre chose, qu'on y va avec un deuxième gardien, même si ça coûte près de 4 millions par année, même plus. Le Canadien avait de la place sur la masse salariale, puis on a posé le geste. OK. On va parler maintenant du côté de la déclaration de Jonathan Drouin. Comment tu l'as trouvé, toi? Ben, écoutez, je pense que quand on regarde un peu ce qui se passe à Montréal, c'est vrai que c'est difficile à Montréal. Les médias immédiatement réagissent. Jonathan Drouin, c'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des déclarations quand même assez particulières. Moi, je pense que c'est pas le gars le plus habile au niveau de ce qu'on appelle le marketing, puis au niveau de répondre à des situations des fois qui sont un petit peu délicates du côté de certains joueurs du Canadien de Montréal. Lui, il était clair, député, là. L'année passée, il a fait le travail, puis il a raison. L'année passée, il a 72 points, donc quand même une bonne saison pour Domi. Mais là, cette année, c'était un peu plus difficile. Et deux, ça place Marc Bergevin dans une situation en disant, écoute, il faut que tu réagisses. Deux, c'est toujours très difficile d'obtenir un joueur. Et le prix à payer, est-ce qu'il est là? Est-ce que le Canadien a le moyen? Est-ce que Domi a de la place chez le Canadien de Montréal? Est-ce que le Canadien veut vraiment garder Ty Domi? Domi, c'est le joueur de la nouvelle génération. Je veux dire par là, des soirs, il se présente, des soirs, il se présente pas. Et c'est un peu ça que le Canadien a vécu, puis que plusieurs équipes de la Ligue nationale vivent actuellement. Et dans le cas de Domi, ben, c'est un pensée du bien parce que il va vouloir un contrat à long terme. Puis je suis convaincu qu'il y a des équipes qui sont prêtes à payer le prix pour obtenir ou payer ce que ça vaut dans le cas de Domi. Est-ce que Marc Bergevin est prêt à payer le prix? Ben, c'est la bonne question. Ah, effectivement, on va surveiller ça de très très près. Phil, on se reparle la semaine prochaine. Merci, au revoir.